pas pressé, c'est la vie qui me presse. Désespoir, mémoire noire, pensée d'un soir, ressasser le passé. Assez et trop blessé, aujourd'hui je vis, je vois ce nouveau départ. Force et courage, la force de l'âge aide. Et vie, je veux t'aimer. Et toutes ces choses que j'ai faites m'ont beaucoup appris. Mais ma couleur fait défaut. Et quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, je reste toujours négro. Et quand me parle pas d'égalité, fraternité, je préfère qu'on me dise plutôt va brûler étranger. Et ne fais rien pour me faire plaisir, montre-moi ce qui brûle en toi. Hypocrite, l'oxygène que je respire me laisse croire que je suis dans un film. Pour moi, plus de surprise, j'y croyais mais j'y crois plus. Les faits m'ont aidé, je ne suis pourtant un garçon pas méchant. Mais j'ai changé, et je préfère qu'on m'appelle enculé. Au moins c'est réglé, plus de cadeaux, tu mords, je mords. Et t'es malade, je suis fou, et j'ai touché le fond. Je fais le tour, maintenant je cours. C'est pas facile, mon sourire cache beaucoup. Des tristesses, des ivresses, j'encaisse. Mais est-ce pour ça que je me suis fait tout seul? Oui, je me suis fait tout seul. Maintenant tu sais, je me suis fait tout seul. Les pieds au sol, seul. Si souvent dans l'erreur, le cœur aveugle, plus personne pour essuyer mes pleurs. Des faux reflets, maintenant tu sais que j'en ai croisé des meutes. Des meutes, maintenant tu sais, je me suis fait tout seul. Les pieds au sol, seul. Si souvent dans l'erreur, le cœur aveugle, plus personne pour essuyer mes pleurs. Des faux reflets, maintenant tu sais que j'en ai croisé des meutes. Des meutes. Je reste seul, solitaire comme Serval. La vie m'a si souvent trompé des sales coups. Aux sales amis, je ne cesse de passer. Tu sais que c'est pas si facile. Tout ne tient pas qu'à un spliff. Mes yeux supplient, je ris que si mon esprit part en brique. Jusqu'ici, j'esquive si. Près du précipice, un pied sur terre et l'autre en asile. Un jour ou l'autre, bécile, porter des miens jusqu'au paradis. Et même si, les portes sont closes avec mes mains, bâtir un empire, Le bitume m'a donné l'habitude d'avoir la bitrute. Les ordures dures, les bons s'en vont, mais bon, j'avance. Toujours seul contre tous, la source de mes galouches. Fouette, Mourad, Tarpif, là-bas, Mathieu, mon ref. On s'est fait tout seul, ouais on s'est fait tout seul. Maintenant tu sais, je me suis fait tout seul. Les pieds au sol, seul. Si souvent dans l'erreur, le cœur aveugle, plus personne pour essuyer mes pleurs. Des faux reflets, maintenant tu sais que j'en ai croisé des meutes. Des meutes, maintenant tu sais, je me suis fait tout seul. Les pieds au sol, seul. Si souvent dans l'erreur, le cœur aveugle, plus personne pour essuyer mes pleurs. Des faux reflets, maintenant tu sais que j'en ai croisé des meutes. Des meutes. Des doux défoncé, travailler à va d'audace et perspicace. Fauder mon équipe, des ravis, les pays pop que je kiffe. Dans mon esprit, ça brille mes rimes, un délai bien subtil. Ils veulent tout ce que je file, faut croire que la devise en lit, je mise. Afin de pouvoir compter sur mon bis, vise le flou, zélouse, tous ceux qui veulent me douze. J'essaie tout ce qui maintient en vie et pioche au fond de moi cet instinct de survie. Oui, c'est fait tout seul, maintenant tu sais, je me suis fait tout seul. Les pieds au sol, seul. Si souvent dans l'erreur, le cœur aveugle, plus personne pour essuyer mes pleurs. Des faux reflets, maintenant tu sais que j'en ai croisé des meutes. Des meutes, maintenant tu sais, je me suis fait tout seul. Les pieds au sol, seul. Si souvent dans l'erreur, le cœur aveugle, plus personne pour essuyer mes pleurs. Des faux reflets, maintenant tu sais que j'en ai croisé des meutes. Des meutes, des meutes.